Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 27 juillet 2022. Voici les grands titres de cette édition. L'abattage de vaches uniquement reprend mercredi prochain sous condition de mettre en quarantaine les bêtes pendant une semaine. À la veille de la célébration de la journée internationale dédiée à la lutte contre les hépatites, le ministère de la Santé publique déclare qu'au Burundi, plus de 1500 personnes étaient porteuses de l'hépatite B et 2400 avaient l'hépatite C l'année dernière. Et dans la chronique sur les messages de haine, un psychologue nous dira que l'écoute et la compréhension sont des signes d'empathie lors de commémorations des événements douloureux. Bonjour, au Burundi, plus de 1500 personnes étaient porteuses de l'hépatite virale B. Celle de l'hépatite virale C était portée par un nombre de 2400 personnes l'année dernière. La ministre de la Santé publique, Dr Sylvie Nzeyimana, informe que ces maladies constituent une menace pour la santé de beaucoup de personnes. Elle a précisé que l'objectif du ministère de la Santé est d'éradiquer les hépatites d'ici 2030. Et c'est au moment où le 28 juillet de chaque année, c'est demain, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la lutte contre les hépatites. Suivez-la. Dans le monde, les hépatites virales constituent une menace pour la santé publique. Elles représentent la 7e cause de mortalité et ont même jusqu'aujourd'hui devancé le VIH-Sida. Chaque année, 1 400 000 personnes meurent d'une hépatite virale ou des maladies qui en découlent, telles que la cirrhose ou le cancer du foie. Selon le rapport mondial sur les hépatites virales, la prévalence du virus de l'hépatite virale B est de 257 millions de cas, dont 60 millions de cas. Concernant l'hépatite virale C, la prévalence est estimée à 71 millions, dont 11 millions de cas en Afrique. Selon le rapport du Centre national de transfusion sanguine de 2021, sur 87 313 dons de sang collectés, 1 545 personnes étaient porteuses de l'antigène de l'hépatite virale B, soit 1,8%, et dont 953 étaient des anciens donneurs. Sur les mêmes dons de sang, 2 432 donneurs étaient porteurs du virus de l'hépatite virale C, soit 2,8%, dont 1463 étaient des anciens donneurs. Au Burundi, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites offre une occasion de se joindre aux autres nations pour capitaliser l'étape déjà franchie et identifier les défis majeurs qui restent à relever. La combinaison des interventions de prévention et de prise en charge des malades nous permettra d'atteindre l'objectif d'élimination de ces maladies à l'horizon 2030. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro, on passe à la chronique éducation en parlant de l'enseignement des langues. La cohésion sociale est l'un des avantages qu'apporte l'apprentissage des langues chez l'apprenant, affirmation d'un docteur en sociolinguistique et didactique des langues. Toutefois, Pierre Ndouingoma regrette l'interférence des langues qui découle de l'enseignement plurilingue. Les détails dans cette chronique éducation avec Vestine Boutoui. Lors de la récente chronique, l'expert en sociolinguistique et didactique des langues a expliqué quand l'apprenant commence à apprendre plusieurs langues à l'école fondamentale au Burundi. Maintenant, Pierre Ndouingoma reconnaît l'importance de l'enseignement des langues. Il y donne l'exemple de la cohésion sociale. L'importance d'enseigner plusieurs langues est indéniable. Étant donné que notre pays entretient des relations avec les autres communautés, les autres, par exemple, l'East African Community, on ne peut pas nier donc l'importance d'enseigner les langues. L'enfant peut s'intégrer dans les dites communautés grâce aux langues. La langue, donc, est un outil de contact, un outil de communication. On entre en contact avec autrui quand on maîtrise la langue. La langue aussi est un outil de savoir. On entre dans les savoirs grâce à la langue. Un enfant qui, par exemple, parlerait seulement le Kirundi, il serait voué à ne pas avoir de savoir. Néanmoins, ce professeur à l'Université du Burundi déplore des inconvénients, dont l'interférence linguistique, qui découle de l'enseignement bipluridingue. Dans un article que nous venons de publier, nous avons parlé de l'enseignement, apprentissage bipluralingue au Burundi et nous avons analysé les représentations des enseignants. Et les enseignants disent eux-mêmes que l'apprentissage de plusieurs langues devient une source de confusion de la matière, de confusion de ces langues mêmes. Et nous avons noté également que ces enseignants aussi confondent ces langues. Ils utilisent des alternances, des interférences linguistiques, non pas parce qu'ils veulent expliquer aux enfants une notion qu'ils n'ont pas comprise, mais parce que les enseignants aussi ne maîtrisent pas ces langues. Ils disent qu'ils ont recours à l'interférence linguistique, ce qui n'est pas bon parce que, comme ils le disent, ça va constituer un brouillissement linguistique dans la tête de l'enfant qui apprend plusieurs langues en même temps dans une seule langue. Pour que l'enseignement de plusieurs langues chez l'apprenant connaisse une réussite, le docteur en sociolinguistique et didactique des langues Pierre Ndouingoma suggère la prise en compte des spécialités pendant le recrutement des enseignants. Les enseignants aussi doivent être recrutés en tenant compte de leurs spécialités. Il y a des spécialistes ici de ces langues, que ce soit le Kirundi par exemple, l'anglais. Nous avons des bacheliers qui sortent et qui ont besoin de l'emploi. Quelqu'un qui termine le bac, qui a fait le Kirundi, qui soit par exemple, est mieux qu'un enseignant qui a une formation pendant 2 ou 3 jours. Cet expert recommande aux apprenants d'aimer la lecture pour améliorer leur capacité de compréhension des langues. Vestine Woutoui, je vous l'avais dit dans les titres, reprise de l'abattage de gros bétail dès mercredi prochain, c'est le 3 août au niveau national. Condition, une quarantaine d'une semaine. Décision prise par la commission chargée de la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift. Mais cette mesure ne concerne pas les chèvres et moutons. Et c'était ce mercredi dans une réunion organisée par le ministère de l'Intérieur avec les gouverneurs des provinces. Un lot de 15 000 vaccins est attendu ce jeudi sur les 100 000 prévus. Les bouchers sont appelés cependant à ne pas rehausser le prix de la viande. Suivez les précisions du secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité, Martin Niteretse, traduit par Moïse Misago. Batubwiye yuko bifuza ko ku munsi wa gatatu nk'uno munsi inka za mbere zizoba zibazwa. Kandi cyifuzo kugira kije mu ngiro ni mwebwe babura amatari na mwebwe babepeyaye. L'on nous a informé que leur souhait est que mercredi prochain, les premières vaches soient abattues. Pour que ce souhait soit mis en pratique, vous, les gouverneurs et BPAE, vous vous en occupez. Il a dit qu'il y ait quarantaine. J'espère qu'aussitôt arrivé dans vos provinces, vous débutez cette quarantaine. Assurez-vous que les bouchers dans vos provinces soient organisés afin que le bétail à abattre la semaine prochaine soit rassemblé en un lieu connu. Toute vache destinée à la consommation en viande doit absolument provenir de cet endroit. La deuxième chose, il n'y aura pas de mouvement de viande. Par exemple, la viande de la commune Bgambarangwe ne franchira pas la commune pour aller vers Wusson. Non, nous voudrons que les administrateurs suivent de près l'arrêt de ces mouvements. Les seuls mouvements qui seront acceptés sont ceux qui seront acheminés à l'abattoir de Bujumbura et à Kanyosha. Cependant, comprenez-le bien, il y a des provinces où il n'y a pas suffisamment de vaches. Ils peuvent alors aller les acheter par exemple à Muyinga et le gouverneur délivre un document attestant la provenance vers le lieu d'abattage. Fatengi Muyinga, bakazengera nizaho bagaca ku guverinoma y'Muyinga akaca urukaratasi ruzijana iyo zigiye kubagira. Le secrétaire permanent au ministère en charge du développement communautaire et de l'intérieur et de la sécurité, Martin Niteretse. Et les taux des bovins qui subissent l'insémination artificielle à Kayanza laissent à désirer, d'après Adeline Nyonsaba, directeur du bureau en charge de l'agriculture, élevage et protection de l'environnement dans cette province. Il donne l'exemple de 300 et quelques vaches seulement inséminées artificiellement ces 6 derniers mois. Il demande aux vétérinaires communaux et à l'administration de sensibiliser les éleveurs sur l'importance de l'insémination artificielle. Patrick Saint-Guillaume. Selon les données chiffrées fournies par le bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement en province Kayanza, 319 vaches ont subi l'insémination artificielle ces 6 derniers mois. Les mêmes données montrent qu'au mois d'avril, par exemple, 145 vaches ont été inséminées artificiellement contre 84 vaches le mois de juin. Partant de ces données-là, Adalan Niyonsaba, directeur au BPAE Kayanza, affirme que le ton des bovins inséminés artificiellement en province Kayanza laisse à désirer. Pourtant, il indique que l'insémination artificielle non seulement qu'elle est gratuite, mais aussi elle présente beaucoup d'avantages chez l'animal et l'éleveur. Là, il parle du fait de gagner une race bovine améliorée, par exemple, et la prévention de certaines maladies contagieuses chez l'animal. Kaze Gordian, un agropasteur moderne à Kayanza qui a inséminé ses vaches artificiellement, confirme les propos du directeur du Biron en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza. Il précise que le système d'insémination artificielle lui a permis d'obtenir des vaches qui lui ont également permis d'augmenter la production du lait par exemple. Kaze Gordier, connu sous le sobriquet de Rubazi, appelle d'autres éleveurs à Kayanza à inséminer leur bétail artificiellement, vu combien elle est d'une grande importance, ajoute-t-il. En province Kayanza, on y compte aujourd'hui 51 719 vaches. Depuis Kayanza, Patrick Essengiva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. Environ 120 personnes qui souffrent de différentes maladies mentales sont soignées chaque mois au centre de santé neuropsychiatrique de Chivitoke. Ces chiffres sont révélés par Jean-Norbert Mounienhouari, infirmier psychiatre à ce centre. Il ajoute que plus de 70% de ces malades souffrent de l'épilepsie. Certains habitants de la province de Chivitoke, les administratifs à la base, précisent que les cas des troubles mentaux deviennent de plus en plus nombreux dans cette province. Marie-Claire Kazeneza pour les détails. C'est l'une des habitants de la colline Rusiga, se trouvant dans la commune Rugombo de la province de Chivitoke. Elle précise que les cas des troubles mentaux deviennent plus nombreux sur cette colline. Même sur la colline de Rugeregere de cette commune de Rugombo, des malades mentaux s'observent. Laurent Nuyahaga, chef de colline Rugeregere, indique que parmi ces malades, 10 cas sont signalés sur cette colline. Les personnes qui souffrent des différentes maladies mentales, équivalent entre 115 et 120, sont reçues chaque mois au centre de santé neuropsychiatrique de Chivitoke. Ces chiffres sont révélés par Jean-Norbert Mounienhouari, infirmier psychiatre dans ce centre. La santé mentale au Burundi, premièrement, c'est une branche de la médecine qui a été presque oublié totalement parce que dans sa prise en charge, nous n'avons que quelques centres psychiatriques qui peuvent prendre en charge les malades mentaux, dont en premier lieu le CNPK avec ses deux branches, la branche d'Ongozi et la branche de Gitega. Après ces trois entités, il y a aussi le centre de santé psychiatrique de Chivitoke qui est là où nous sommes pour le moment. Et la plupart des maladies que nous prenons en charge, il y a les épileptiques. En deuxième lieu, vient les troubles psychotiques, les psychoses. Dans les psychoses, il y a les psychoses aiguës et les psychoses chroniques. Troisièmement, il y a la dépression. Quatrièmement aussi, il y a les retardés mentaux. Nous enregistrons plus ou moins 100 à 120 cas par mois. Selon le rapport publié en 2019 par trois centres qui traitent les maladies mentales se trouvant à Gitega, Ngozi et en mairie de Bujumbura, plus de 22 000 cas de troubles mentaux ont été recensés au Burundi de 2015 à 2017, alors que de 2010 à 2015, seulement 2 500 cas avaient été recensés. Parle, rassure-moi. L'écoute et la compréhension caractérisent l'empathie lors des commémorations des événements douloureux. Le psychologue de formation Swad Nachaïsaba trouve que c'est normal qu'au départ les commémorations soient séparées et divisées pour se préparer ensuite à une commémoration regroupant différentes parties pour éviter la victimisation. Les discours utilisés à cette occasion doivent être rassembleurs pour contrecarrer les messages de haine. Ornella Mucho. La capacité à percevoir ce que d'autres peuvent vivre, ressentir est l'une des caractéristiques de l'empathie. À l'occasion de la commémoration des événements douloureux du passé, le psychologue Oswald Ndachaïsaba indique que cela crée le bon climat entre différents groupes. La première caractéristique, je veux dire, l'écoute. L'écoute qui sera l'écoute attentive. Bon, la partie qui ne commémore pas ce jour est cette capacité d'écouter l'autre quand il commémore justement. Parce que la deuxième caractéristique, je dirais qu'il faut qu'il y ait la compréhension de l'autre. Quand l'autre, celui qui commémore, exprime ses émotions, parle ce qu'il ressent, il faut que l'autre ait cette capacité de le comprendre. La troisième caractéristique que je pourrais dire, c'est s'identifier à cet autre-là, à cette personne qui commémore. La quatrième, la solidarité et le respect. Il faut que justement l'autre se solidarise à celui qui commémore et justement essayer de le respecter dans tout ce qu'il fait. Lors de ces événements, ceux qui tiennent des discours publics devraient éviter de se victimiser pour éviter de créer des divisions. Il faut d'abord qu'on évite la survalorisation du passé. C'est lorsque, quand on parle du passé, lors des commémorations, surtout dans les discours, on exagère. On parle, par exemple, dans un événement quelque part, il y avait 5 morts, mais on dit on a raflé toute la colline. Alors qu'il y a eu 5 morts. Il faut qu'on évite l'oblitération. L'oblitération du passé, on nie l'événement de l'autre, on nie le passé. On dit, nous, on a vécu ça, les autres, non. Ils ont vécu dans l'aisance, ils ont vécu dans la joie, tout simplement. C'est nous qui sommes victimes, c'est nous qui avons vécu beaucoup de choses. Il faut responsabiliser les auteurs d'actes physiques de violence pour éviter la globalisation, laquelle contribue à la prolifération des messages de haine. Troisième chose, il faut qu'on évite l'amnésie collective. Dans l'amnésie collective, c'est quand on essaye d'effacer ou de nier les événements du passé. Puis si, hein, quand on dit, par exemple, il y a eu un événement quelque part, et tu commences à le nier, et après tu détestes même celui qui cherche à le rappeler à des noms. L'amnésie collective, on cache la vérité, on cache une autre histoire. On parle de l'histoire de ce jour, mais en oubliant que l'autre camp a vécu quelque chose. Pour susciter l'empathie, en fin de compte, on va éviter la globalisation. Dans le groupe, c'est le groupe qui a fait ça, mais ce n'est pas tout le groupe, c'est une partie du groupe. Lors de ces événements pareils, de commémoration des événements douloureux du passé, il faut éviter toute chose pouvant provoquer de retomber dans les mêmes erreurs du passé. Merci, on est là, Mucho. Ainsi se referme ce journal à 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Innocent pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.